la matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette matinale de 18h avec une nouvelle voix qui vous accueille, la mienne, James, aux commandes, aux pilotes. J'ai réussi à obtenir une promotion et Tristan malheureusement a été déchu de sa poste. Non, de pas déchu, j'ai été rétrogradé en animateur et voilà. Je compte bien reprendre ma place un jour. C'est ça, voilà, c'est la guerre intestine à la matinale de 18h. Comment vas-tu Tristan? Ça va, dans le contexte ça va. C'est sûr que la direction a préféré te passer la main parce qu'elle estime que tu as une voix beaucoup plus suave et que tu passes beaucoup plus auprès des jeunes. Dont acte. C'est ça. Dont acte. C'est aussi beaucoup de corruption. Beaucoup, beaucoup de corruption. Énormément. Et merci. Jocelyn est également là. Salut Jocelyn. Salut James. Salut Tristan. Salut à nos deux petits. C'est-à-dire bonjour. Ah, le petit spoiler, effectivement. Nous avons deux stagiaires qui sont ici avec Emmanuel qui fait sa première, qui débarque à Fadjet. Salut. Salut Emmanuel. Et le retour de Clara. Clara. Hello. Voilà, vous reconnaissez sa voix. Qui vient pour la deuxième fois. Elle a été complètement ovationnée par tous nos spectateurs. C'est une doyenne, ça y est. Auditeurs. Et je pense que je vais finir bientôt stagiaire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et qu'elle va prendre mais ma place de chronique. À la fin, je pense que Fadjet, que Clara sera à ma place. Puis ouais. Après, directrice. Ouais, ouais, voilà, directrice de Fadjet, probablement. On va passer au journal maintenant. Allez. C'est parti. Les actualités nationales et internationales avec Tristan, vague de Covid en France. Le gouvernement français, par l'entremise du ministère de la Santé, a déclaré « on n'en a rien à foutre ». Effectivement, il existerait encore des facteurs en France. Vous vous êtes toujours demandé à quoi servent les boîtes en ferraille devant vos maisons. Il s'agit en fait de boîtes qui peuvent recevoir des papiers écrits de manière manuscrite qui émanent d'émetteurs qui veulent rentrer en communication avec vous. Vous avez ces personnes qui amènent ces papiers sont ce que l'on appelle des facteurs. Vous pouvez les repérer généralement le matin, soit à l'aube, soit pour certains en milieu rural vers 11h. Attention, ne vous approchez pas d'eux, vous pourriez déstabiliser leur odorat. Et tu veux dire il y a un facteur risque de s'approcher. Il y a un facteur risque effectivement de s'approcher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le facteur n'aime pas les chiens. Ah, c'est bien, c'est bon à savoir. Marine Le Pen demande aux gilets jaunes de la haïr. Ils avaient bloqué le pays pour faire baisser le prix du carburant et faire sauter le président en place. 3 ans plus tard, on voit le résultat des gilets jaunes. Fort de ce constat, et dans le but de se faire élire aux prochaines élections, Marine Le Pen a négocié avec les gilets jaunes un contrat de haïssement. On enchaîne avec les titres de Jocelyn. Pénurie de moutarde, la ville de Dijon va ériger des fortifications pour contrer les assauts des consommateurs en manque. Pour faire face à la puissance destructrice des moutardes addicts, Dijon est obligé d'innover et a mis en place des salles de shoot dans les magasins et a également armé ses vendeurs. La dernière pénurie avait fait 7 morts. On ne vous oublie pas, une pensée aux familles. Dans 3 jours, ce sera la journée mondiale des emojis, des célébrations un peu partout en France. En effet, une parade est prévue à 14h sur les Champs-Élysées pour célébrer l'événement le plus attendu des Français. L'IFOP aurait estimé 700 000 manifestants. La DGSI est sur les lieux pour encadrer l'événement. Le président Emmanuel Macron aurait indiqué le smiley grand-mère comme son préféré. Je dirais qu'une seule chose, lol. Exactement. Voilà. Une famille décide de passer 2 semaines de vacances dans une aire d'autoroute. Bloqué sur la 31 à côté de Colombey-les-Belles, sur l'aire de Faveros, cette famille de 2 enfants ont planté la tente non loin de l'unique bâtiment de l'aire, les toilettes. Le fils témoigne, je cite, « Il y a même la Wi-Fi ». Ah, c'est magnifique. Et on va passer maintenant à ce pourquoi on a beaucoup taffé, la météo. La météo. La météo. Grosse chaleur sur toute la côte basque attendue dès ce vendredi avec quelques suées quand même dans la région Grand Est dû à un soleil très proche et avec un vent de face revigorant. Donc, grosso merdo, c'est une après-midi sur l'autoroute fenêtre ouverte, il fait chaud, mais il y a du vent. Très bien, et on va maintenant parler du jour où on est, l'éphéméride. Après, le 14 juillet. Le 14 juillet, parce nous sommes un 14 juillet et on travaille quand même. Et on travaille quand même, on est au boulot. Ouais. Pour vous les auditeurs. Mais c'est après Coldplay. Him for the weekend. For the weekend. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Nous sommes un 14 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé un 14 juillet? Je vais vous le raconter. La première chose, la plus importante qu'il faut savoir, c'est quand même que c'est le jour du décès de Philippe Auguste, qui est mort un 14 juillet. Alors là, on est en 1223. Mais bien sûr, on s'en rappelle tous. Philippe Auguste. Ah, alors, Philippe II dit Auguste. Et attention, parce que c'est quand même... ouais, je vais vous dire pourquoi en plus c'était Auguste. Alors, il est né le 21 août 1165 à Paris. Il est mort à Mantes le 14, donc en banlieue parisienne, hein, le 14 juillet 1223. Et c'est le 7e roi de France. Et il est l'héritier de Louis combien 13. Mais non, c'est en 1200, t'as dit 1200. Ouais, c'est le moins. Ah, je dirais que c'est Louis VI. Louis VII, dit Clara. Mais c'est Louis VII, oui, bravo. Elle a tombé, elle est tombée. Vraiment, mon pif, vraiment, genre, non, mais assume, trop de la chance. Assume. Alors, le surnom d'Auguste. Va faire une surdouée. Le surnom d'Auguste, hein, je m'arrête vraiment sur Philippe Auguste. Le surnom d'Auguste lui fut donné par le moine Rigor. Moine Rigord. Le Moine Rigord. Le Moine Rigord. Après que Philippe II eut ajouté au domaine royal en juillet 1185 les seigneuries d'Artois, du Valois, d'Amiens et une bonne partie du Vermandois. Juste un point pour les auditeurs, Tristan fait tout ça de tête, hein, il le sait par cœur, hein, visiblement. Bien sûr, mais moi, c'est vraiment une personnalité qui est vachement importante pour moi, je m'inspire de Philippe Auguste. C'est vrai que tu as des portraits de lui chez toi. Hein. Mais tu m'inspires à elle, Philippe Auguste. Alors attendez, je vous montre juste par derrière. C'est son... là, c'est... Il a un tatouage incroyable, un tatouage sur la fesse gauche. Ouais. Je pensais pas voir ça. Philippe Auguste, ouais, effectivement. Parce que là, on est sur un arbre généalogique. On a qui ? On a Louis, combien ? 7. 7, 7. D'où les 7 bâtons. Mais comment Clara le savait ? Voilà, voilà. Et alors attention, parce que... Oui, c'est vrai quand même. Ah, mais c'est le seul cours d'histoire que j'ai gardé. Oui, voilà, on va dire ça. Mais ah ouais, c'est, oui. C'est tout à fait, tout à fait. C'est vraiment la période importante de l'histoire de France, t'as raison. C'est la plus passionnante. Et alors ce qui est complètement risible, c'est... Pourquoi il s'appelle Auguste ? C'est aussi... Oui, parce que j'enlève ma tête du micro et on ne l'entend pas. C'est qu'il y a également parce qu'il est né au mois d'août. Eh ben oui, ah oui. Août, Auguste. Ah, d'accord, incroyable. C'est bien ça. Je termine juste ma phrase parce que c'est... Après, j'arrive plus, c'est hilarant. Les références directes aux empereurs romains, ce terme signifie qu'il a accru considérablement le domaine royal. Voilà, c'est tout bonnement. Eh ben, écoutez, merci. C'est tout ce qui s'est passé le 14 juillet. Voilà, on n'en a pas appris beaucoup sur le 14 juillet, mais sur Philippe Auguste, énormément. Il n'y a rien d'autre qui est arrivé en France un 14 juillet. Rien d'important, en tout cas. J'ai envie de dire que j'ai l'impression de tout savoir désormais. C'est d'ailleurs ce qu'on va écouter AD avec Tout savoir. Ah, j'adore. Et après, l'horoscope d'Emmanuel. L'horoscope. Je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas. AD avec Tout savoir. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. l'horoscope de 18h sur Fadjet. L'horoscope de ce 14 juillet 2022 va être dédié aux lions, puisque nous avons Emmanuel, notre stagiaire, qui est lion, hein, c'est ça, tu es né un 12 août. C'est ça, voilà, comme la mère. Voilà, comme la mère de Tristan. Comme son ex. Et comme l'ex de Tristan. Qui ne sont pas la même personne, j'imagine. Oh, je crois pas. Aucune information à ce niveau-là. D'accord, très bien. Ah bon. On va garder ça. Donc tu es Lion, et Lion aujourd'hui, alors c'est pas exactement alors, aujourd'hui, mais des projets en travail, hein, des projets ambitieux mais délicats. Mettez tous les atouts de votre côté avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Emmanuel, si je me souviens bien, c'est ton premier jour de stage aujourd'hui. Non, c'est ça. Comment? Donc, est-ce que tu as l'impression d'être dans un projet ambitieux mais délicat avec cette émission? Clairement, ouais, je sens la pression sur mes épaules. Tu vois, ouais. Hein, tu sens bien, ouais, que surtout la droite. Ouais, ouais, on voit qu'il y a une. Je sais pas si au niveau santé, il parle de l'épaule droite. Alors santé, j'ai envie de te dire, comme d'habitude dans les horoscopes, c'est très très développé. Ouais. C'est tonus. Ah, ouais. En un mot. En un mot, tonus. Mais, oui, tonus. Mais attention, parce que tonus en romain, ça veut dire épaule droite. Ah oui, oui, c'est vrai que tu. Il y a Caius Tonus qui était connu. Je suis très fort en latin. D'accord, il est très fort. Mais après, moi, je pense que c'est une petite erreur de. Non, c'est une petite erreur de frappe. C'est pas Tonus, c'était bonus. Parce que ce que tu es ici, c'est que du bonus ici. Tu vois, cette émission, c'est vraiment parle que du bonus. Prends plein de micro. Hein. Voilà. Donc, du coup, ils disent donc, mettez tous les atouts de votre côté avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Et je pense que c'est ce que tu as fait avant de venir ici. Tu t'es dit, voilà, je vais. Comment t'écris mettez tout? C'est oh les mais questions. Mais MIS, T'ES. Alors c'est du Aya Nakamura. Non, c'est oui, c'est vrai que ça pourrait être une chanson, tout. mais là ils l'ont écrit de manière mettez tout. Ok. Voilà. Tous. D'accord. Non, écoutez, on va pas non plus non, faire une heure, ouais, sur l'orthographe de l'horoscope, ce qui pourrait être une. Mais je par contre, juste une autre signification, c'est tout. Oui, voilà. Oui, je comprends. Mais par contre, on va parler amour aussi parce que c'est important l'amour. C'est vrai, c'est très important. Les mots pourrait dépasser votre pensée, réfléchissez avant d'ouvrir votre bouche. Oh. Ça fait réfléchir. Hein. J'ai l'impression que ça résonne en toi, ça. Hein. Mais je pense que tu en as conscience parce que depuis le début, tu ne parles pas beaucoup et tu sais très bien que si tu te lâchais, tu dirais des mots d'amour à Jocelyn. Ça doit être ça, dit-elle de manière gênée. J'allais y venir. Dans l'amour, toujours tourner cette fois sa langue dans sa bouche, voilà, avant de parler. Donc, chers auditeurs. Et toujours tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de tourner cette fois la langue dans la bouche de l'autre. J'ai tout envie à de fait. Dire. Et de parler. Voilà. Toujours. Tu voulais ajouter, chers auditeurs, restez avec nous parce que là, pour l'instant, Emmanuel se retient, mais pas impossible, effectivement, comme tu l'as dit, qu'à un moment donné, elle lance sa flamme à Jocelyn. Mais c'est vrai que je la sens retenue, moi, je la sens. Bon, après, l'horoscope dira ce qu'il dira, mais. C'est aussi le premier jour de stage, c'est-à-dire qu'elle arrivait ce matin. J'imagine que tu arrivais ce matin et tu te disais, bon, je vais faire du travail, je vais écrire deux, trois trucs. Tu ne pensais pas être dans une émission de radio aussi écoutée que la nôtre. Ouais, finalement, je me suis dit, mais dans quoi je me suis trompée, quoi. Exactement. Tu t'es trompée ou tu es tombée? Dans quoi je me suis trompée, là, ouais, je suis pas. C'est pas le bon stage. Mais d'accord, tu te l'es dit avec du tonus. Voilà. Oh! Oui. Elle a eu pas mal, voilà. Comme par hasard. Est-ce qu'on peut refaire la scène quand tu te le dis, mais avec du tonus? Ouais. Dans quoi? Je me suis tombée. Et là on sent tout de suite le tonus. Voilà, c'est ça. Là, t'as saisi la nuance par rapport à tout à l'heure. On l'a tous entendu, et les auditeurs vont avoir plus de tonus suite à cette intervention et suite à cet horoscope. On revient juste après avec un invité. On ne dévoilera pas qui est cet invité. C'est un invité surprise. Et on se retrouve après Harry Styles, As It Was. Ooh. And everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. just wants to know that you're well. Harry Styles, As It Was. La matinale de 18h, l'émission qui est... Bien. L'invité politique de 18h sur Fadjet. Notre invité politique qu'on reçoit aujourd'hui, il s'agit de Clément Loise et je laisse la parole à Jocelyn pour l'accueillir. Bonjour Monsieur Loise. Bonjour, bonjour cher Jocelyn. Je suis vraiment très ravi de rentrer dans ces locaux de Fadjet. Eh ben, nous sommes très ravis de vous accueillir ici. Vous êtes maire de Mantes dans le Val d'Oise. Vous êtes Monsieur Clément Loise. Bonjour, bienvenue. Alors, maire et député de Mantes dans le Val-d'Oise, puisque c'est mon père qui a inventé le Val-d'Oise. Ah oui ! Ah d'accord, vous êtes le fils de l'inventeur du Val-d'Oise. Tout à fait, tout à fait. Avant mon père, on avait des champs et des maraîchers, et tout d'un coup, mon père s'est dit, tiens, on va faire un camping. Et c'est commencé comme dans le Val-d'Oise. Ça a commencé par un camping. Par un camping, bien sûr, oui. Et du coup, vous avez... étendu le camping C'est-à-dire qu'on en a passé d'abord en mode, vous savez, les maisons qui sont sur pilotis, comment on appelle ça déjà ? Les bungalows ? Les mobilhomes, voilà, les mobilhomes, pour assez rapidement passer dans les années 70 de dur avec des fondations. Les années 80 ont été marquées par des HLM et tout de suite, là, on s'est dit, là, il y a quelque chose à tenir. Ce qui fait que l'on a répercuté ce modèle dans, tous les autres campings du Val d'Oise et qui sont devenus ce qui est maintenant le Val d'Oise et comme capitale Mantes la Val d'Oise. Et comment au quotidien on peut vivre avec tout ce poids, cette responsabilité d'avoir inventé, enfin en tout cas d'être le descendant de l'inventeur du Val d'Oise, mais et en plus d'être député représentant de cette région. Il y a une certaine nostalgie, je vous le cache pas. On est en train d'étudier un projet pour revenir en arrière et retransformer le Val d'Oise en camping. D'accord. Combien d'étoiles? Alors, le moins possible pour vraiment revenir aux valeurs du Val d'Oise. Voilà, donc une étoile et encore une étoile d'argent. Camping à la ferme au Val d'Oise, c'est ça. Ça serait l'objectif final, quoi. Ce qui serait bien, c'est que normalement cette émission n'est pas écoutée, donc ce bruit ne remontera pas. Vous me confirmez que c'est pas écouté ? Je confirme. Bon, ça ne remontera Personne pas écoute. Jusqu'aux gens du Val d'Oise, mais c'est un projet, voilà, qui est quasiment abouti et sur lequel on ne sait pas trop comment communiquer dessus. J'ai également une question à vous poser, mais bien sûr. Pourquoi vous êtes à Nancy ? Parce qu'en fait, le Val d'Oise, c'est complètement près de Paris. Alors oui, alors je viens... En dessous de Mantes-la-Jolie. On parlait d'un camping de une étoile en argent, et là, on est en train de superviser le camping de Jarville-la-Malgrange. Ah d'accord. Donc, qui est vraiment le modèle que l'on veut dupliquer pour revenir à ce niveau de compétence dans le Val d'Oise. J'ai eu entendu dire qu'il y avait des rumeurs comme quoi on voulait importer aussi le Val d'Oise en Lorraine. D'accord. Ah, petite gêne, j'ai l'impression. Alors, oui, je préfère laisser Mathieu Calvin-Klein de parler de ça. D'accord, ouais, je vois qu'il y a, ouais, c'est un petit malaise hein, dans le studio. Ouais. C'est le 14 juillet, il est en train de faire défiler les armées nancéennes sur la place Stanislas. Je ne veux pas déjà lui spoiler la chose et c'est fait. Et je ne veux pas dire des choses qui ne m'appartiennent plus. D'accord. Bon. Écoutez, merci Clément Loise d'être venu. Vous avez un très beau camping

Les actualités nationales et internationales avec Tristan. Une information vraie a été partagée sur Facebook. Information assez rapidement enlevée par Facebook, mais trop tard car des milliers d'internautes ont eu le temps de screener cette information et la toile a été inondée de cette information vraie, disant que Paul Prébois est mort. On ne répétera jamais assez de ne pas vérifier vos sources avant de les partager sur les réseaux sociaux. Dans l'incapacité de voter une loi sur la retraite, le gouvernement mise sur la canicule. Une majorité relative qui va rendre le vote de la retraite à 65 ans très compliqué. Le gouvernement qui veut sauver les finances du pays joue sur la carte réchauffement climatique, canicule, Covid pour diminuer le nombre de retraités et ainsi limiter la casse budgétaire. La campagne publicitaire « Brûle un pneu pour sauver ta retraite » va commencer sur les réseaux dès demain. Une stratégie à suivre dans les semaines qui viennent. Les gilets jaunes en vacances au rond-point de la Grande Motte. La migration a commencé. Pour les gilets jaunes, ils recherchent le soleil et partent dès la fin juillet pour aller au sud de la France. Pour autant, leur régime alimentaire ne change pas. À base de merguez brûlée sur des pneus, ils vont migrer dans des campings, camping-cars, voire même caravanes, avant de revenir dans nos régions à partir de fin août, début septembre. Et je précise pour dire que je serai aussi à la Grande Motte cet été en vacances. Ah oh, voilà. Tu feras des photos. On enchaîne avec le journal de Jocelyn. Oui. Jocelyn qui fait aussi les actualités nationales et internationales, mais on avait beaucoup de choses à dire. Face à la recrudescence des pyromanes, les pompiers vont être équipés de pistolets et de fusils à eau. D'après une étude réalisée dans un collège américain, seule la vision d'une arme dissuade assez pour éteindre la flamme des pyromanes. Et pour les plus chevronnés, les pompiers ont l'autorisation de tirer à vue. Pour se rapprocher du peuple, Emmanuel Macron décide d'organiser tous les conseils des ministres du mois de juillet dans un bungalow du camping La Sirène à Argelès. C'est sur un motif conseil de ministre, mais il en est tout autre. Emmanuel Macron se serait inscrit au tournoi de pétanque et aurait été surpris à faire du dos crawlé dans la piscine du camping. Mediapart révèle des vacances dissimulées et appelle à la révolte. Et enfin, un point mode, le Marcel revient fort cet été. Encore une fois, la mode n'a de cesse de nous surprendre. Depuis que Kenji Girac avait porté un Marcel dans sa dernière pub, les ventes explosent. L'industrie du textile fera preuve d'un délai d'au moins 2 semaines pour répondre aux premières commandes. Le groupe Nivea a déjà augmenté son stock de crème solaire en prévision des coups de soleil. Voilà, on passe désormais à la météo. Eh oui. Désormais. La météo. Aujourd'hui et demain sur les plateaux d'Alsace, il fera beau avec des températures allant jusqu'à 20 degrés Fahrenheit. Excusez-moi. Ça sera la commune de Brinville-sur-Moselle qui aura le plus de mistral puisque des vents de 12 km/h seront attendus dans la soirée. N'hésitez pas à prendre de la crème solaire ainsi que votre cabaf à jet pour Pierre Percé. Eh oui. Voilà, c'est un concept qu'on est en train de déposer, hein, la météo à trous, comme exactement. Ça, je pense que ça va faire son petit bout de chemin. Hein, ah oui, pense. Ah, j'adore. Je pense que là, les grandes radios sont sur les... On va faire toute l'émission comme ça, d'ailleurs. Une émission à trous, ouais, ouais. Ça pourrait être sympa. Une émission à... 3 francs. Oui, exactement. Il y avait 3 francs et trous, plusieurs propositions. Allez, on enchaîne, on va revenir avec notre émission favorite, Les Grosses Fesses, qui va désormais prendre une très grosse place dans notre émission. Très grosse, grosse place, voilà. Des grosses, grosses fesses. Et on écoutera ça après Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Oh là là. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Qu'est-ce que c'est bien. La matinale de 18h, l'émission qui est... bien. Bah oui. Bah... Les grosses fesses, c'est désormais ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'émission. Oh on va oui. se faire plaisir, on va se faire des petites questions-réponses. Je rappelle qu'autour de la table, on a l'équipe de rêve, on a Jocelyn, on a Tristan, on a Clara et on a Emmanuel. Clara qui est bachelor. Clara qui est bachelor et Emmanuel qui est master. Si avec ça, elle trouve pas toutes les questions. Qui est master. On a vraiment deux écoles de journalisme, l'école nancéenne à base de bachelor et l'école de Metz de à base Beethoven de... Heure. À... de Paris. Hein. D'accord. Ouah, donc, ça précise. T'es pas du tout de Nancy. D'accord, donc on a l'école de Paris. C'est pour ça que c'est un bachelor à Paris en fait. Ah ouais. Alors, on va. Non, non, c'est juste. C'est peut-être un peu le son de la. Ah, oui. De la flûte. Tu n'aimes pas la flûte Après, je pense que je vais pas réussir à répondre. C'est notre troisième stagiaire dont on n'en parle, mais qui joue la flûte pour cette. Voilà. Okay. Je lui ai dit de se taire. Et d'arrêter avec la flûte. Alors, on va poser des petites questions qui ont rapport avec le jour. Où nous sommes, le 14 juillet. Philippe Auguste. Ouais, bonne réponse. Un point pour Tristan. Oui, allez, Tristan qui part avec un point d'avance. Philippe Auguste, en fait, il dit Auguste parce que il est né au mois d'août. Mais non. Ah, d'accord. Mais on est en juillet, donc on va poser la première question. Que fêtait-on avant le 14 juillet? Fêtait-on avant donc le 14 juillet, c'est depuis 1880. Voilà, mais. Disons du temps de Philippe Auguste, enfin peut-être pas de Philippe Auguste, mais avant du temps de la royauté, qu'est-ce qu'on fêtait? On fêtait un. Je pense que avant le 14 juillet, on fêtait le 13 juillet. Effectivement une bonne. Je te donne un bon point pour cette. Non, j'ai même pas voulu la faire tellement que c'est naze. Arrête. Wow, non, moi j'ai bien aimé. C'était drôle. C'était pas naze, Clara. C'était pas naze. Là, tu vas donner le point pour ça? Non, je donne un bon point. C'est différent, il y a les points et il y a les bons points. D'accord. Toi, t'as un point et Clara a un bon point. Ma mère me dit souvent que j'ai de l'embonpoint, moi. Voilà, donc c'est ça. Alors, est-ce que c'était une fête pour le roi? Oui, c'était en rapport avec un roi. Voilà. Auguste. Non. Pas loin. Louis XV. Non. 14. C'est pas Louis XV. 13. Non. Louis VII. 12. Non. Un Louis? Oui, c'est un Louis, oui. Un Louis d'or. 11. Non, attendez, vous pouvez faire tous les numéros si vous voulez. Mais il y en a un particulièrement dont 18 qu'on fête, tu vois. 14, 18. Louis d'or. Quand c'est la fête de quelque chose, on dit que c'est la Saint-Louis. La Saint-Louis, voilà. Et Saint-Louis, c'était un sucre. C'était Louis VI. Louis VI. Voilà, donc on fêtait la Saint-Louis avant. D'accord. Voilà, donc Je te donne même pas le point. Je suis un peu c'est déçu. Un mauvais de... point. J'ai dit que c'était royal. Ouais, c'est royal, mais okay, c'est d'accord. Pas. Oui, t'as compris, c'est bon. Golan, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, on enchaîne avec une autre question. Ouais. Parce que là, bon, voilà, j'attribue pas de points. Donc, on a toujours un pour Tristan, un bon point pour Clara. Et voilà. Qui t'a eu de particulier le défilé du 14 juillet 1971 71. En France, donc. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce défilé-là? Il était en noir et blanc. Défilé militaire. Hein. Il était en noir et blanc, non, parce qu'il passait encore en couleur. Est-ce que c'était par rapport aux armées qui défilaient? Oui, c'était par rapport aux, disons, aux personnes qui étaient dans le défilé. C'est l'armée de mer. L'armée avait... de mer. Ah, oh, ouais, l'armée de mer. Ouais, c'est la première fois qu'il y avait des Allemands. Non. La dernière fois. Non, mais disons que t'avais une bonne piste. Il y avait 50% d'Allemands. La première fois que c'était pas c'est mal. C'est la ça. Première fois qu'il y avait des barbus, les comment ça s'appelle. Première fois qu'ils ont fait défiler des Playmobil. Non, mais c'est vrai. Ça, j'aimerais bien le voir. Par contre, ça. Première fois qu'ils ont défilé en reculant. Ah oui. En reculant, en moonwalk, sur du David Guetta, même s'il avait que 5 ans. Non, alors bon, on va. Alors, c'est la première fois qu'il y avait des personnes. C'est un type de personne qui défilait, qui n'ont jamais. Voilà, exactement, des femmes. C'était la première fois que des femmes défilaient dans le. Donc il a fallu attendre 1971. Et j'imagine que la blague, c'était à l'époque, elles vont défiler en talons aiguilles. Alors, je sais pas. La meilleure blague était celle-là, oui. Je n'étais pas vivant à l'époque, donc je ne peux pas attester. Mais en tout cas, Tristan qui prend de l'envol dans ce jeu avec un deuxième point. On va revenir après une petite pause musicale avec encore une fois, comme c'est Tristan qui est devant, on va passer son chanteur favori Sting avec Desert Rose et on revient juste après pour d'autres questions passionnantes. Yeah. Cheb Mami et Sting. Ah oui. Enfin, surtout Sting avec Cheb Mami. Desert oui. Rose. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjen. Et on est de retour pour notre, notre la suite des grosses fesses. J'ai mis un petit bed que t'aimes bien. Ouais, voilà. On est vraiment sur dans un spécial dédicace là. Voilà. Et comme il est 18h, un bed and breakfast même, j'ai envie de dire. Oh my god. Et on était sur des quiz qui ont rapport avec l'actualité du 14 juillet. Ouais. Et Tristan qui gagne. Ouais. De la tête et des épaules, ce quiz. Alors on continue avec une question. Quels invités insolites étaient avec la patrouille de France dans les airs en 2021? Philippe Auguste. Eric et Ramzy. Pas loin. Ah non, non, non. Non, c'est, ça c'est question pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Taisez-vous, c'est Carlito et McFly. C'est McFly et Carlito. Ah, je m'attendais vraiment à ce que les jeunes de ce studio l'aient. C'est le boomer. C'est le boomer qui l'a eu. Tu l'avais pas, Cara? Ah là là. Mais si, ils en ont parlé, en plus, c'était le truc, t'as le droit de venir voir le président, tu sais, c'est pour le Covid. Alors, le président venait avec lui, avec eux, pour parler du Covid, les gestes barrières, et en échange, il y avait... C'est ça, en fait, le président lancé un défi de faire une vidéo pour faire apprendre les gestes barrières. Ils avaient fait une chanson qui était ce qu'elle était, je ne vais pas critiquer. Mmh. Et du coup, ils avaient été invités chez le président pour un concours d'anecdotes. Et voilà, ils avaient gagné ce concours d'anecdotes, et du coup, ils avaient gagné cette espèce de privilège réservé à quelques citoyens. Et je crois que Carlito. Attendez, Carla. Clara. Je savais qu'ils avaient gagné le concours, mais je savais pas qu'ils avaient gagné après le tour dans les airs. Et il y avait aussi, une histoire. D'anecdotes, ouais. C'est ça. Il y avait aussi une histoire de, photos de McFly et Carlito dans le bureau de Macron. Ça me dit quelque chose. Et puis je t'ai appelé Carla parce que je pense que c'est dans ma tête. Élysée, Carla, Bruni, Sarkozy, ouais. Etc. Ah oui, d'accord. J'ai l'habitude qu'on m'appelle Carla, donc. Ah d'accord. D'accord. Il n'y a pas que toi. C'est parce que tu viens d'une banlieue de Neuilly peut-être, là où Nicolas Sarkozy. Clara, Carla. Ouais, voilà, ouais. Je plaide coupable. D'accord, donc déjà 3 points pour Tristan. Impressionnant, je vois que. Ah là là, il est venu préparer. Hein. Jocelyn, à combien? En fait, j'avais dit McFly et Carlito avant toi, mais il y avait du brouhaha. Je pense que dans votre vie, c'est toi qui l'as dit en premier. Il y aura du VAR. Mais hein, arrête. Il y a le podcast. Voilà. On repassera le podcast. On réécoutera. Ouais, t'es à zéro. Oui. Alors, on va passer à une autre question. Alors ça va être une question pour toi, Tristan, encore une fois, désolé, mais ça c'est une question d'histoire. Donne-lui donc c'est balles. Pour Tristan directement, quoi. Quelle tradition est née en 1615? La Traviata. 1615. Oh, c'est une tradition, facile, alors j'appelle ça une tradition, mais disons que c'est quelque chose qui pour nous est normal boire nos jours. De la 1664. Qui est née en 1615, comment? Boire de la 1664. Non, parce que tu vois qu'on n'était pas encore... C'est alimentaire? C'est pas alimentaire du tout. D'accord, c'est une danse? C'est pas une danse, non. D'accord. C'est scientifique. Oui, c'est un petit peu scientifique. C'est découverte. C'est basé sur un truc scientifique, si tu veux. Mais c'est quand même, il faut se rappeler quel jour on est aujourd'hui. On est le 14 juillet. Merci, d'accord. C'est bien, vous êtes. La Saint-Louis. De tirer un feu d'artifice. Bonne réponse de Clara. Bonne réponse de Clara. Alors, en fait, oui. Mais j'ai pas donné la bonne réponse. Et oui, c'est exactement ça. Le premier feu d'artifice était en 1615. À l'époque, c'était pour célébrer les rois. Et. C'est au mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII que cette tradition est née. Et alors, pour l'info et pour la culture générale de chacun, lors du mariage de Louis-Auguste, qui devient après Louis XVI, et de Marie-Antoinette, il y a eu un gros incident à base de... Oui. Ah, de tu en connais? De toast au thon. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu peux développer. En fait, comme ils n'ont pas de manière de réfrigérer le thon, quand le thon est arrivé jusqu'à Paris, Versailles, quoi, ouais, tu Paris, vois. C'était à Paris, ouais. Mmh. Et ben, il n'était pas frais. Et une gastro, mais pas possible. D'accord. Et donc, du coup, là, combien de morts? Alors, ça, je sais plus. Ah, d'accord, parce que moi j'ai noté, bon, je sais pas, après tu me confirmeras dans tes archives personnelles, mais moi j'ai 132 morts. Hein, 132 morts. Incident de feu d'artifice et de thon, du coup, en 1770. Donc c'était bien tragique tout ça. On va revenir après une nouvelle petite virgule musicale à la base de MC Solar, Hasta la Vista, et on terminera cette émission avec d'autres questions, d'autres aventures. J'ai hâte. Hasta siempre, que viva la revolución, rapero número uno, el primero. bonito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo serie star, estrella. La gente de India me llama star. Pasa rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gusta, vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, sol, hijo de África. Près de l'hacienda où la chica du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot cuando la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio on se pavane sec. Sex 6 jours sur 7 et qui l'a pas de prise de tête. Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros. Margarita del Valera devrait être de Villero. Expulsé de la ville, tel un sans pape. Seul, sans barrier, isolé, tel un gâteau sans pape. Quand je pense à toi Rachel, Esmeralda, j'en ai la gorge serrée mais bon, j'ai des Valda. Hasta la vista. Y'a des noirs, chouans, chanken et des gringos, des gringoles. Y'a des ponchos sous les sombreros. À contre-jour, Esmeralda DS, les yeux pleins de liesse, sort du Pony Express. Elle me dit bah mono, je réponds yes. C'était Bonnie and Claude dans Notre-Dame de Barbès. Hasta la vista, générique final. Hasta la proxima, on part vers l'ouest à cheval. Tout le monde se lève, il n'y a plus personne dans le ciné. Le film est terminé, mais j'entends chanter. MC Solar avec Hasta la Vista. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. L'émission en retard sur son temps, en retard sur son temps, bien sûr. Mais on est en avance sur notre temps aussi. Et on va faire une dernière question dans ces grosses fesses. Et format XL. Format XL, ces grosses fesses. La dernière question, si je vais vous la poser, c'est quel pays a le record du monde? On parlait de feu d'artifice. Quel pays a le record du monde du plus gros feu d'artifice? Guatemala. C'est la Macédoine, non, la Macédoine, non. Guatemala, c'est la Macédoine, a par contre le record de la plus grosse salade du monde. Et j'ai confondu. Le Guatemala. Le Guatemala, non. C'est pas le Guatemala, mais tu n'es pas loin, tu es plus près que la France. Le Cameroun. Mexique. Cameroun, non, on est un peu loin en fait, en Guatemala. Algérie. Allez-y, proposez des. Singapour. Venezuela, non. Mais pensez aux gens qui. C'est l'Inde. Pensez à un pays. C'est un pays. Australie. Le Tibet. C'est un pays asiatique. Le Tibet, le Tibet. Voilà, c'est un pays asiatique. Pékin. Pékin, non, c'est pas la Chine, on est pas loin. La Corée, on se rapproche dangereusement. Et c'est encore une fois Tristan qui s'en sort avec le Japon. Bravo. Si j'étais capable de faire ça, je mettrais des applaudissements. Mais je pense que je suis pas capable. Voilà, on va applaudir avec les mains. Bravo détestable. Tristan. Merci. Comme je débute, je ne suis pas capable de faire des applaudissements, mais ça viendra J'ai un jour. J'ai hâte de récupérer les clés de c'est cette vrai, c'est vrai. Qui m'attend. Effectivement, elle est sur le parking en bas. Ouais. Voilà, tu en es l'heureux propriétaire, comme tu as gagné le lot. Clara termine deuxième. Tu gagnes malheureusement seulement un scooter. Voilà, tu repartiras avec. Mal, et puis pour nos deux perdants, Emmanuel et Jocelyn, vous nous devez 300 euros à Fadjet. Oui, on peut leur donner des rollers. Oui, allez, des rollers, si vous voulez. Mais vous devez quand même 300 euros. Voilà. Le Japon, vraiment, au passage, hein, je l'ai appris en préparant cette question, adore les feux d'artifice. Ils appellent ça des anabis, qu'on appelle fleurs de feu. Je trouvais ça joli. C'est vrai. Une fleur de feu. Pour un artiste qui pisse. C'est ça qui m'a mis sur la voie, d'ailleurs. C'est ça qui t'a mis sur la voie, oui. Tiens, un feu d'artifice, c'est Un anabis. Mmh. Et bim, Japon. Bim, Japon, voilà. Et bon, c'est aussi tes années d'expérience dans le judo. Origines, c'est les origines aussi, un petit peu japonaises. Je me suis dit d'abord bomb japi, et après, non, je me suis dit ça colle pas bomb japi, et du coup, je me suis dit bim, Japon. Oh, mmh, voilà. D'accord. On voit un peu, on est dans le cerveau de Tristan, on voit le processus. C'est ça. C'est passé de l'hémisphère droit à gauche. C'est vrai. Bomb japi, bim, Japon. Exactement, on était dans le cerveau. C'est des trucs techniques que vous pouvez tous reprendre. Voilà, et c'est franchement, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On apprend en histoire, on apprend en moyens mémotechniques, on apprend tout ce qu'il faut. Faire pipi dans le lavabo et non pas faire popo dans le lavabo. Le savoir de Tristan est exponentiel. Merci. Exactement. Merci. Et donc, c'est malheureusement sur ces belles paroles que notre émission se termine. Non. Quoi de mauvaise nouvelle? Et si. Et tu t'en es super bien tiré. Hein. C'était un petit peu compliqué quand même. Il y a eu des petits couacs dans les enchaînements des choses et d'autres. On a failli se battre quand même, donc bon. On a failli se battre, effectivement, hors antenne. On a failli se battre. Peut-être que Jocelyn, un jour, tu t'y essayeras aussi. Je pense pas. J'arrive en retard, donc. Ah oui, c'est vrai que ça va pas être facile. On remercie également Clara. Et Emmanuel. Oui, merci à vous. Voilà, c'était un plaisir. On vous retrouvera peut-être aux antennes de Fadjet pour d'autres chroniques, d'autres. Hein, on espère. Je rappelle que Clara est bachelor. Que Clara est bachelor. Mais Emmanuel, pas loin. Hein. Emmanuel, master. Ouais. C'est ça? Master. C'est ça, master, ouais. Master. Maître, ouais. Master à Metz. Est-ce que tu as une dédicace à faire? Ça se fait. Et ça non, pour pas le jeu. Master à Metz. Ok. Bah, bisous Metz, bisous Nancy. Bisous Metz, bisous Nancy. Oh là là, voilà. Et bisous aussi à Paris, au Val d'Oise. Hein, oui, Val d'Oise. Tant qu'à faire. Voilà, on pense aussi également au camping de la Sirène, très fort à Philippe Auguste, j'imagine, merci. Tristan. Bah oui, merci. Voilà, il faut y penser. Ouais. Il aurait adoré cette émission, je pense. Mais je pense, ouais. Il aurait adoré être là. Ouais, c'était vraiment bien sans le type d'humour qu'il aurait apprécié. Voilà, donc on en reste là. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve plus tard dans la vie. Vous verrez, on ne sait pas trop ce quoi l'été sera fait. Voilà, l'été va nous apporter des surprises. Mmh. En attendant, on vous souhaite de bonnes journées, avec un S à la fin, et on vous embrasse. Bisous. Bon appétit. Un bon 14 juillet.